En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers convives, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 6e épisode. Lundi 18 novembre. Visite à domicile et hôpital. Il y en a qui ne savent jamais combien c'est. Il y en a qui veulent toujours donner juste la somme, les vieux surtout, avec la monnaie, les pièces sonnantes et trébuchantes. J'en ai fait à l'épicerie avant de venir, comme ça, ça vous en fera aussi avec tout le monde qui attend. Il y en a qui donnent un peu plus pour pouvoir dire « Gardez la monnaie, je vous en prie », et qui regardent en biais pour voir ce qu'on va faire. Il y en a qui sortent une liasse de gros billets. C'est combien ? Comme s'ils donnaient un pourboire. Et qui regardent plutôt 2 fois sous la signature attestant le paiement, colonne 12. « Ah tiens, c'est pas plus cher ?» Il y en a qui sourient. « Si vous n'avez pas la monnaie, ça ne fait rien. Les 5 francs, vous me les rendrez la prochaine fois. On est appelé à se revoir. » Il y en a qui, dès qu'ils entrent, sortent le chéquier, le posent sur le bureau, genre « Attention, je paie, donc j'en veux pour mon argent. » Il y en a qui sont confus. « Parce que ma femme est partie faire des courses et elle a pris le chéquier. » Il y en a quelques-uns qui envoient leurs enfants seuls avec un billet plié. Il y en a qui sortent le chèque signé de leur portefeuille. Ça ne vous ennuie pas de le remplir, l'écriture et moi, vous savez. Il y en a qui payent en entrant, comme ça ce sera fait, et qui partent en oubliant l'ordonnance. Il y en a qui, au bout de 20 minutes, paient pour vous montrer qu'ils sont pressés de partir et qui restent encore 1 heure. Il y en a qui passent « J'en ai pour 2 secondes, c'est juste pour vous montrer mon résultat d'analyse ». Et ça dure 50 secondes, mais qui veulent payer quand même. Bah c'est vrai quoi, c'est normal, sinon comment vous allez gagner votre vie? Il y en a qui paieront la semaine prochaine. Il y en a très peu qui ne paient jamais. Madame Barbet, voilà le docteur. C'est pas trop tôt. Georges est en train de se réveiller. Il veut pas que je le déshabille. Laissez donc, le docteur va s'en débrouiller. Mais parce que là, il a pas dû changer de chaussettes depuis 3 semaines, alors le reste, faut même pas en parler. Bonjour Madame Destouches. Bonjour docteur. On vous attendait. Alors, comment s'est passée la nuit? Eh bien, au début, pas trop mal, mais il a commencé à s'agiter vers 6h30. Mm-hmm. Et il criait dans son sommeil. Alors moi qui m'étais endormie sur le matin, il m'a réveillée. J'en ai assez, vous savez. Et... En plus, on vous a dérangé cette nuit. Mais c'est normal, j'étais de garde. Il avait une plaie au front, ils ont bien fait de me l'amener pour que je leur couse. Ouais. Je sentais bien qu'il lui était arrivé quelque chose. Alors j'ai appelé ma fille pour qu'elle aille à sa recherche. Mon gendre n'était pas content, évidemment. Mais c'est son beau-frère, tout de même. Georges ne sort jamais le soir, d'habitude. Puis voilà qu'hier, il décide d'aller chez un bonhomme qui vit sur la route de l'antre. Il est un peu simplet. Alors, il s'entend bien avec Georges. Mais vendredi, Georges a touché sa pension et je sais qu'en sortant du bureau de poste, il est passé à l'épicerie acheter du vin. Je ne veux pas de ça ici. Avant, il cachait ses bouteilles dans l'ancien atelier de mon mari, mais Madame Barbet fait le tour et elle me ramène tout ce qu'elle trouve. Alors, il faut bien qu'il les cache ailleurs. Et comme son copain, enfin ce bonhomme dont je vous parle, habite sur la route... Il est allé passer un moment chez lui hier soir. Oui, c'est ça. Mais il sait que je me fais du souci quand il ne rentre pas. Parce qu'il repart, quel que soit son état, quel que soit le temps, il repart, à pied, sur la route. Il y a quand même 3 bons kilomètres, et son bras le fait souffrir. Et puis, dans l'état où il était, il ne pouvait pas aller bien loin. Votre fille m'a dit qu'on l'avait retrouvé dans le fossé. Heureusement qu'il n'a pas plu ces jours-ci. Il aurait pu se noyer ou mourir de froid. Je n'ai pas arrêté de penser à ça après qu'ils l'ont eu ramené de votre cabinet et mis au lit. Oh, excusez-nous, docteur. Il est tellement lourd qu'ils n'ont pas réussi à le déshabiller. Ils ne voulaient pas se laisser faire. Oh, j'en ai assez, docteur. Vous savez, vraiment, plus qu'assez. Ça ne fait qu'empirer. Si ça continue, il va finir comme mon mari qui est mort de cirrhose. Il avait tellement bu qu'il est passé sous sa deux chevaux. La portière s'est ouverte et il a glissé sous les roues. Attendez, il est passé sous les roues de sa voiture? Oui. Oui, oui, je sais que ça paraît incroyable, mais c'est ce que les gendarmes ont dit. Il est tombé par la portière et la voiture lui a roulé dessus. C'est pour ça que je suis contente que Georges soit pas capable de conduire. Mon mari, il avait fallu qu'il s'y reprenne à 5 fois et ça coûtait déjà de l'argent à l'époque. Mais si Georges tombe au fossé, c'est pas mieux. Bon, de quoi aviez-vous besoin? Oh, de tout, docteur. L'infirmière m'a dit de vous dire qu'il ne reste plus ni compresse, ni détergent pour l'ulcère, ni vaseline. Il faudrait me remettre 2 ou 3 bandes de velpeau parce que ça s'use vite. Et des rouleaux de sparadrap. Et puis mon traitement pour le cœur, bien sûr. Et les somnifères. Et comment vont vos ulcères? L'infirmière est déjà passée ce matin? Non, pas encore. Si vous voulez, Madame Barbet va défaire mon pansement, que vous puissiez voir. On va faire ça tous les deux. Oui. Donnez-moi votre jambe. Voilà. Ouf. Très bien. Il me faudrait du savon liquide. Madame Barbet? Oui, Madame Détouche. Voulez-vous m'apporter le panier à pansement dans l'armoire? Dans le premier tiroir? Oui. C'est pas terrible en ce moment. Oh, ça a été pire que ça, docteur. Là, au moins, je ne souffre pas. Et la jambe n'est pas trop gonflée. Vous demanderez à l'infirmière de vous remettre de la vaseline sur celui-ci. Voyons l'autre. Votre jambe. Merci. Ouh. Alors, donnez-moi votre bras. Il faudrait aussi me represcrire l'infirmière à domicile pendant 1 mois. Et puis le certificat pour l'aide ménagère. J'aimerais bien avoir droit à 6 heures par semaine. Mais ça m'étonnerait qu'ils me les accordent. Oh, elle doit être bien élevée, après la nuit que j'ai passée. 15-10, effectivement. Faut-il que j'augmente les médicaments? Non, on va attendre quelques jours, je passerai vous la reprendre. Docteur, c'est pas pour me mêler, mais il faudrait que vous veniez voir Georges. Ça va pas. Lorsque tu reviens quelques minutes plus tard, tu ne dis rien. Quand il s'agit de Georges, tu ne me dis jamais ce que tu penses, ce que tu as trouvé. Tu dis seulement que tu lui as prescrit quelque chose, ou que ça n'est pas la peine, et que ça va guérir tout seul. Il dort. Georges guérit toujours. Il n'y aurait pas la boisson et son moignon. On dirait que rien ne peut l'abattre. Même quand il a la grippe, au bout de quelques heures, il est sur pied. Madame Barbet dit méchamment que l'alcool conserve, mais c'est parce qu'il a toujours été costaud, même tout petit. Il a marché très tard, il a parlé encore plus tard, et il parle encore assez mal. Et il n'a jamais été très dégourdi, mais il est très fort. Il a perdu son bras dans une machine et depuis il est pensionné, mais la maladie, il ne sait pas ce que c'est. Il ne pouvait quand même pas tout avoir contre lui. Mais tu ne dis rien d'autre. Un jour, je t'ai demandé ce que tu en pensais, mais tu m'as dit que tu ne pouvais pas me répondre, même si c'était mon fils. Tu as rangé tes instruments et tes papiers, tu m'as rendu la monnaie. Avant qu'elle ne parte, tu as pris l'attention de Madame Barbet, qui n'a pas le temps d'aller te voir en ce moment, après être allée dire au revoir à Georges. Tu entres une dernière fois dans la cuisine pour me saluer. Au revoir, Madame Détouche. Docteur, il faut que je vous dise... Oui? Ma fille et mon gendre, ils veulent faire enfermer Georges. Que voulez-vous dire? Ils veulent le faire mettre à l'asile. Je ne sais où. Quand ont-ils parlé de ça? Hier soir, après l'avoir mis au lit. Ils étaient furieux, ils ont dit qu'ils en avaient assez... qu'ils allaient vous demander de leur faire un certificat pour qu'ils soient hospitalisés quelque part. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne veux pas, docteur. Je sais que Georges est impossible et que ça me fatigue. Mais c'est mon fils. Il a toujours vécu avec nous, depuis qu'il a eu son accident. Et quand mon mari est mort, j'avais plus d'homme à la maison. Vous savez, mon mari, ce n'était pas son père. Et Georges ne le sait pas, bien sûr, et je n'ai jamais raconté ça à personne, pas même à ma fille. Il n'y avait que mon mari et vous, maintenant. Je sais que ça restera entre nous. Bien sûr. Sa sœur ne l'aime pas. Elle a honte d'avoir un frère handicapé qui boit. Alors elle aimerait bien qu'il ne soit plus là. Comme il est plus âgé qu'elle, et qu'il est costaud, elle en a peur. Et mon gendre aussi, parce que, à côté de Georges, il est tout petit. Mais Georges n'est pas méchant. Je ne l'ai jamais vu frapper quelqu'un. Il n'y a qu'à lui qu'il fasse du mal. Enfin, je ne veux pas qu'on l'enferme. Je voulais vous demander... J'ai honte de vous demander ça. Ça ne se fait pas. Je voulais vous demander si c'est possible. Quand je serai morte, ne le faites pas enfermer, docteur. Je sais que vous ne pouvez pas me le promettre... Mais voilà, il fallait que je vous le dise, et c'est dit. Au revoir, docteur. Au revoir, madame Destouches. Il y a 7 ans, je suis allée te voir parce que j'avais du retard et des pertes. Tu m'as examinée, tu m'as trouvé une petite infection. Tu m'as prescrit des antibiotiques et un test. Moi, je n'y croyais pas, je ne voulais pas y croire, mais je l'ai fait quand même et c'était positif. Mon mari n'en voulait pas. Il avait toujours voulu une fille et il avait peur que ce soit un troisième garçon. J'ai pleuré, sans le lui montrer. Je ne voulais pas lui imposer un enfant que j'avais eu par accident, sans qu'il le veuille. La mort dans l'âme, je suis retournée te voir pour que tu m'envoies à l'hôpital. Tu étais tout jeune à l'époque. Mon histoire t'a retournée. Tu n'avais pas l'air très chaud pour que je me fasse avorter. Tu m'as dit qu'après tout, il y avait une chance sur deux pour que ce soit une fille. Tu as même insisté pour voir mon mari et lui expliquer. Je t'ai dit que je n'y tenais pas, que ça ne résoudrait pas le problème, que c'était compliqué. Finalement, comme je n'allais pas bien, tu as fini par dire que ma grossesse venait juste de débuter, que j'avais le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Il ne fallait pas agir sur un coup de tête. Tu avais raison. J'ai réfléchi et j'ai pris ma décision. J'ai expliqué à mon mari qu'avec l'infection, ce serait dangereux pour moi d'avorter. Je savais qu'il n'irait pas te poser de questions. Mon mari a dit « Bon, puisque c'est comme ça. » Et puis il a ajouté « Après tout, ce sera peut-être une fille. » Bonjour, madame Pujade. Bonjour, Bruno. Je t'attendais. Sa secrétaire t'a dit que j'ai appelé. Oui, mais je ne l'avais pas oublié. J'avais noté sur mon carnet. Je n'étais pas inquiète. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en avance ? Non, je crois pas. Oui, vous avez raison, c'est moi qui ai 20 minutes de retard. Je suis à vous dans 3 secondes. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. Manon aura 7 ans au printemps prochain. Mon mari l'adore et elle le lui rend bien. Évidemment, c'est toi qui la vaccine et qui la soigne depuis qu'elle est née. Elle n'est presque jamais malade, mais elle t'aime beaucoup. Dès qu'elle a un tout petit rhume ou un bobo minuscule, mon mari s'affole. Un jour, l'an dernier, son père est allé la chercher à la sortie de l'école. Elle est tombée et elle s'est ouvert le coude. Il était complètement affolé. Comme j'étais au boulot, il ne pouvait pas me joindre. Manon a dit « N'aie pas peur, papa. On va aller voir le docteur Sachs et il va réparer tout ça. » Il te l'a amené. Il était dans ses petits souliers, bien sûr. Il se demandait ce que tu dirais. Mais il n'avait pas trop le choix. Tu n'as pas posé de questions. Tu as soigné Manon, elle n'avait pas peur du tout, et elle m'a dit ensuite qu'elle n'avait rien senti. Plus tard, son père m'a raconté que lorsque tu l'as vu devenir vert pendant que tu préparais les instruments, tu lui as proposé de tenir la main de Manon. Ça l'a beaucoup rassurée. À présent, quand Manon est malade, il arrive que ce soit son père qui te l'amène. Tu ne poses toujours pas de questions, et je sais que tu ne diras jamais rien à personne. Cela dit, un beau jour, mon mari connaîtra la vérité. C'est peut-être Manon qui la lui dira. Elle est encore petite, mais elle n'aime pas mentir. Comme mon mari l'adore et comme c'est un type bien, il vaut sans doute mieux que ça vienne d'elle. Hier, nous étions toutes les deux dans la voiture. Elle a dit « C'est bien d'avoir deux papas ». Un beau jour, forcément, ça lui échappera. En revenant de l'école, à midi moins le quart, j'aperçois ta voiture dans la cour goudronnée. Une personne entre dans le cabinet médical. Je me dépêche de ramener les enfants. Je les confie à ma voisine. Mélodie est insupportable quand je vais chez le médecin avec elle. Et je ne peux pas la laisser seule avec son frère. Et je retourne te voir. Je traverse la cour à la hâte. Ta voiture est toujours là. Je pousse la porte de la salle d'attente. Elle est vide. La porte de communication est fermée. Tu dois encore avoir quelqu'un. Je m'assieds. J'attends. 10 minutes se passent. Je n'entends rien de l'autre côté de la cloison. Je regarde les revues posées sur la table, bien rangées en pile. Je n'y touche pas. Oh, 10:30. Il va falloir que j'aille leur faire à manger. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Eh ben, j'attends le docteur. Ah mais il est parti, il avait un rendez-vous à l'hôpital. J'ai vu sa voiture dans la cour. Ah, je suis désolée, c'est la voiture de monsieur Troya, qui habite juste à côté. Il la gare ici de temps en temps. Si vous pouvez revenir, le docteur consulte à partir de 14h30. C'était urgent? Non, mais comme ça fait longtemps que je dois le voir... Bon, au revoir. Au revoir. Pour une fois que je me décidais à venir, c'est bien ma veine. La pendule assiette indique 10h05. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis mon arrivée. J'ai rangé le cabinet médical, changé les draps, nettoyé les instruments et mis les boîtes à stériliser dans l'autoclave, mis deux blouses au sale, passé l'aspirateur dans le cabinet et dans la salle d'attente, et après avoir repassé les deux draps lavés dimanche, je range la valise de médicaments que tu as laissée avant de rentrer déjeuner, prendre une douche et te raser. Tu n'as pratiquement pas dormi de la nuit. Quand j'ai vu que ce matin le téléphone sonnait sans arrêt, j'ai cru que tu ne serais pas tranquille de la journée, mais c'était surtout des demandes de rendez-vous. Pour le moment, tu n'as qu'une visite à faire chez Madame Destouches pour renouveler tous ses médicaments, faire ses certificats et sans doute voir son fils. Deux dames parlaient devant la boulangerie. Je les ai entendues dire que Monsieur Destouches avait été hospitalisé dans la nuit. Que vous arrive-t-il ? Je suis pas allée au boulot ce matin. Ça n'allait vraiment pas. Je tenais pas debout. Je tremblais. J'avais froid. J'avais chaud. Ça tournait. J'avais envie de vomir, mais ça ne venait pas. Je me suis dit, c'est une chute de tension. Déjà, quand en normal, elle est pas bien haute. Et quand mon mari m'a vue dans cet état, il s'est mis en colère. Il m'a dit que je ferais bien appeler le médecin. Mais j'ai pas voulu vous déranger, comme je sais que vous avez beaucoup de travail. J'ai prévenu ma patronne que j'irai pas travailler ce matin. Et puis j'ai appelé ici. Et votre secrétaire m'a dit que vous consultiez. Alors j'ai demandé à ma voisine de m'emmener. Vu que je suis incapable de conduire, comme ça, on passera à la pharmacie en repartant. Ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et ma patronne m'a dit, vous avez besoin de repos, moi je veux bien. Mais... Si vous voulez bien, on va d'abord vous examiner. Que vous arrive-t-il? Je suis venu vous demander un service. C'est pas grand-chose. C'est la pharmacienne qui m'envoie parce qu'elle m'a dit que j'avais besoin d'une ordonnance. Oui, pour du gel anesthésique. Vous savez, celui qu'on met sur la peau pour endormir avant de faire les piqûres. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas de piqûre à faire, c'est... C'est un peu délicat à expliquer, mais vous voyez, ma femme, comment dire, ma femme aime beaucoup ça. Non, pas le gel, elle aime ça. Enfin, vous me comprenez, on fait ça souvent, tous les jours, parfois deux ou trois fois dans la journée. Elle est toujours prête à tout et moi, je ne dis pas non, hein, vous pensez, j'ai des collègues, la leur, elle a toujours la migraine, alors de quoi j'aurais l'air si je me plaignais? Mais, comment dire... Il y a des jours où ça me chauffe terriblement. Ça me brûle, quoi. J'aimerais bien ralentir un peu, mais elle est terrible, vous savez. Si je lui dis que je suis fatigué, elle me fait toute une scène, alors bon, ça me brûle, mais je dis rien. Et puis l'autre jour, j'ai entendu parler du gel, là, à la télé. Alors je me suis dit que si on en met aux enfants, c'est que ce n'est pas dangereux et que je pourrais peut-être en mettre. Histoire d'avoir moins mal, vous voyez. Je veux pas vous déranger longtemps. Il y a des gens qui attendent. C'est juste pour un papier. C'est bien vous qui êtes allé pour mon fils l'autre jour quand son tracteur s'est retourné sur lui dans le pré en pente. Les pompiers m'ont raconté. C'était pas beau à voir. J'ai pourtant bien dit de raccrocher sa cabine, mais il l'avait enlevé le temps de nettoyer les tables et il l'a pas remise tout de suite. Et voilà. Ce matin, j'ai reçu une lettre de l'assurance, rapport aux emprunts qu'il a faits pour la ferme et qui n'étaient pas encore remboursés. Forcément. Il me demande de quoi il est mort et je me suis dit que vous alliez pouvoir le leur dire. Mais en fait, moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est s'il a souffert. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai mal au dos, depuis 10 jours. Je pensais que ça allait passer, mais ça continue. Ça commence ici, derrière l'épaule, puis ça descend devant, sous le sein. Ça me serre quand je respire, et au travail, c'est pas marrant. À force de travailler assise devant un écran, on prend de mauvaises positions. Forcément, déjà que ça me fait mal à la tête, ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. En plus, on est deux à travailler dessus. L'autre jour, au travail, n'arrête pas d'en changer. Je suis allée aux toilettes. Je me suis assise, j'en pouvais plus. Je travaille debout, vous comprenez. Et mon chef d'équipe est venu me chercher. Il m'a trouvé là. Il m'a dit que si ça me travaillait trop, j'avais qu'à changer de travail. Ça m'a pris l'autre jour en voulant pousser mon frigidaire pour passer la serpillière. J'ai senti cette douleur qui me descendait dans la fesse jusqu'au talon. J'ai plus pu bouger. Mon mari m'a dit qu'est-ce qui t'arrive. Et j'ai dû aller m'allonger et depuis ça ne m'occupe plus, même la nuit. Je ne dors pas. J'ai même été obligée de prendre les somnifères de mon mari. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. Vous comprenez, c'est épuisant de lever les bras sans arrêt pour visser les boulons sous les moteurs. La chaîne ne s'arrête pas pour vous laisser le temps de souffler. Et en plus, on est en plein courant d'air. Et j'ai toujours été fragile au coup de froid. Mais bon, j'ai pas besoin de. Je viens pour pas grand-chose. C'est juste parce que ma fille ne mange pas. Et je voudrais que vous me donniez des vitamines pour que j'y mette dans sa soupe. Parce que c'est la seule chose qu'elle avale. J'ai lu le verre. Mais je voudrais pas qu'elle le sache. Elle m'a dit de vous dire qu'il faut juste passer chez elle en partant ce soir quand vous aurez fini pour lui donner l'ordonnance. Et parce qu'elle a une toute petite chose à vous demander. Mais comme elle a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente. Elle voulait pas vous déranger pour si peu. Parce que j'ai 30 ans, j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt c'était 80 ans et je la veux maladie de Sax de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. Sixième épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sax. Et Nita Klein. Cécile Zanigelli. Pauline Ziadé. Françoise Gazio. David Jesselson. Clotilde Morgève, Flora Brunier, Pauline Jambet, Alexandre Aubry, parce que j'ai passé la Philippe Bautier, Henri Alexandre, Aurélie Billedou, Sophie Gubry, Daniel Krellenstein, Marie-Bénédicte Roy, Daniel Rézy, Sophie Bourrel, Catherine Matelli, Bruitage, Bertrand Amiel, musique originale, Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet, équipe de réalisation, Claude Nior, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. La maladie de Sax est publiée aux éditions POL et au livre de poche.